Chapitre 25e. Sophie avait bien pris toutes ses précautions pour que personne ne pût venir la déranger de 2 heures à 3. Elle avait ordonné à ses gens de ne laisser monter qui que ce fût auprès d'elle et sous aucun prétexte, et de renvoyer sans pitié les visiteurs indiscrets ou importuns. Ses recommandations à ce sujet semblaient devoir assurer sa tranquillité, mais l'homme propose et Dieu dispose. Le matin même dont nous avons décrit les événements, Sophie s'étant mise à table avec un appétit qui commençait à devenir exigeant, à l'instant où elle prenait son couteau pour couper un excellent pain cuit exprès pour elle, la porte s'ouvrit brusquement et la petite tête chauve de Mr. Jenkins parut devant elle. Rien n'aurait pu exciter à un plus haut degré la colère et la surprise de Sophie. Elle avait vu le monstre, comme elle l'appelait Mr. Jenkins, s'en aller avec Lord Broughton et ne pouvait comprendre comment il avait quitté son compagnon de voyage pour venir chez elle. Elle n'imaginait pas non plus comment il se faisait qu'il eût pu entrer sans être vu de personne, monter à son appartement et arriver chez elle sans difficulté, même jusque dans sa propre chambre. Voici maintenant les circonstances qui avaient amené cet incident inexplicable. En arrivant à l'endroit où le groom de Lord Broughton tenait les chevaux, Mr. Jenkins, qui était encore un petit homme très actif, saisit vivement la bride du sien, sauta en selle et partit au galop, sans même se retourner pour voir si sa seigneurie le suivait. Il atteignit ainsi la grille et fut rejoint par son noble ami pendant le temps que le portier mit à ouvrir. « Ah ça, n'êtes-vous pas un peu fou, monsieur Timothy Jenkins ?» s'écria le comte en riant aux éclats. « Aussi vrai que j'espère vivre longtemps, je suis sûr que vous courez ainsi parce que vous n'osez me regarder en face. Tenez, Timothée, avouez qu'aujourd'hui, peut-être pour la première fois de votre vie, vous êtes honteux de vous-même. » « Tout espoir de pardon est-il donc perdu pour moi ?» s'écria vivement Mr. Jenkins. « Si cela est, puis-je ne jamais plus voir briller le soleil dans mon beau pays ? Mais non, je ne suis pas honteux, mon bon Arthur. Maintenant que je sais que vous n'êtes pas, comme je le craignais, piqué contre moi et disposé à me condamner dans le fond de votre cœur. Ce que je fais aujourd'hui n'est pas seulement le résultat d'un raisonnement, mais encore un acte libre et spontané de ma volonté. Et vous le savez, ma volonté à moi est inébranlable, terrible. Elle a causé mon malheur. Croyez-vous maintenant, mon cher comte, que je vais aller m'humilier, le bonnet à la main, devant cette affreuse petite pécore au nez de singe, demander son consentement pour faire ce qui me plaît et agir d'après ses ordres ? Certainement, mon cher fanfaron, vous vous y conformerez. Et voilà ce qui sera prodigieusement amusant, répondit Lord Broughton en riant de nouveau. Voyons, dites-moi, mon bien-aimé Timothée, pourquoi trouvez-vous nécessaire de tourmenter cette céleste créature qui, d'ailleurs, est le seul chef connu de la famille Thorpe, et qui me paraît en outre assez encline à l'impertinence, lorsqu'il vous serait si facile de prendre le rôle qui vous convient sans risquer d'être maltraité. J'aime la lutte et le tapage, Lord Broughton, et je les préfère aux tendresses, cela m'amuse, sans compter, pour dire la vérité, et sans pour cela vous faire tort, que je doute que votre seigneurie ait autant de philosophie que moi. Je suis un grand philosophe, moi, Talwell, Broughton, que le diable emporte la kyrielle de vos nobles noms. Un grand philosophe est plus grand que vous ne croyez, et vous serez forcé de l'avouer vous-même avant que je quitte ce pays. Mais nous perdons notre temps, et j'ai affaire. Adieu, Milord. Je ne ferai pas attendre votre dîner, si je puis faire autrement. » Et en disant ces mots, l'excentrique Mr. Jenkins prit le galop dans l'attitude et les allures d'un bédouin qui poursuit un ennemi. Les 3000 qui séparaient Broughton Castle de Thorpecombe furent franchis 2 fois par Mr. Jenkins, en moins de temps qu'il n'aurait fallu à tout autre pour les parcourir 1 fois. Puis, ayant laissé son cheval dans un endroit écarté, il parvint, Dieu sait comme, mais sans être vu ni entendu de personne, jusqu'à la porte de Sophie Martin, qui était loin de s'attendre à le revoir si vite, et à qui sa présence fit un tel effet qu'elle en laissa tomber la fourchette qu'elle tenait à la main. Le regard qu'elle lui lança aurait terrifié tout autre homme que l'indifférent Mr. Jenkins. Mais le visage enflammé de Sophie ne lui fit pas plus d'effet que n'eussent pu faire les 2 petits yeux verts d'une chatte en colère. « Ma chère, » commença l'étranger. « Monsieur !» s'écria Sophie avec une indignation à peine contenue. « Ne vous mettez pas ainsi en colère, ma chère, cela n'est pas beau, et du reste, je ne mérite pas votre courroux. Je dois vous dire que je suis extrêmement, énormément, monstrueusement riche, quoique ma tenue ne l'ait certes pas annoncée. J'ai cru remarquer hier que vous aimiez les bijoux. Mais les vôtres sont vieux et auraient besoin d'être remontés. Comparez-les à ceux que voilà, » continua le petit homme en tirant de sa poche une boîte du plus bel ivoire ornée de fleurs peintes. « Voyez, Cela vaut à peu près le quart des diamants que vous portiez hier, et c'est loin d'être aussi lourd. » En disant ces mots, il poussait un ressort et faisait tout à coup briller au regard ahuri de Sophie, couchée sur un coussin de satin rose bordé d'or, un énorme rang de perles orientales, d'une grosseur incroyable et d'une couleur éblouissante. « Je pense, monsieur, » répondit Sophie en tremblant de colère, d'émotion et d'anxiété, « que si ces perles sont vraies, elles surpassent ce que j'ai vu de plus beau, de plus rare et de plus merveilleux. » « Les croyez-vous donc en cire ou en verre ?» reprit Mr. Timothy Jenkins en lui mettant dans la main le collier, dont le fermoir était formé d'une énorme pierre bleue entourée de gros diamants. « Oh, quelle merveille ! Que cette pierre du fermoir est belle ! C'est un saphir assez remarquable. Je suis ravi que vous aimiez ce bijou. Maintenant, Miss Martin Thorpe, je vais vous proposer un arrangement. Je vous en prie, ne vous fâchez pas. Écoutez-moi. Voulez-vous me permettre, en échange de ce collier que je vous offre à vous, Sophie Martin, en toute propriété, et quoi qu'il arrive, de visiter de fond en comble, et toutes les fois qu'il me plaira, l'ancienne habitation de mes amis morts. Qu'en dites-vous? Acceptez-vous mon marché? Mais je ne sais vraiment, monsieur, comment vous exprimer ma joie et ma reconnaissance. Je mets ma femme de charge, Mrs. Barnes, à votre disposition. Elle vous conduira partout où vous voudrez aller, tant dans la maison que dans le parc, si vous souhaitez le connaître. Mrs. Barnes, votre femme de charge? Enfin, c'est parfait. Rien ne peut me convenir davantage. Voici vos perles. Mais comme elles sont très précieuses, je vous engage à ne pas les laisser traîner. Mettez-les dans votre cabinet le plus mystérieux, et si vous en ignorez les secrets, je pourrai vous les apprendre. » ajouta-t-il avec une singulière expression de tristesse. Sophie, ivre de joie, serra son trésor contre son cœur et se disposa à lui obéir. Il la suivit dans le cabinet où elle le conduisit, et, lorsqu'elle eut ouvert la porte, Mr. Jenkins la maintint doucement d'une main, tandis que de l'autre il ouvrait une cachette assez grande pour contenir l'écrin. Après y avoir déposé le collier, il fit jouer plusieurs fois le ressort afin que Sophie pût en connaître le secret et l'ouvrir à son tour. Tout à coup, en poussant un autre bouton caché dans les riches sculptures du meuble et ignoré de Miss Martin Thorpe, l'étranger aperçut un petit étui en maroquin rouge contenant une miniature qui représentait un charmant petit garçon de 6 ou 7 ans. Mr. Timothy Jenkins devint d'abord rouge, puis extrêmement pâle, à la vue de cette miniature sur laquelle il se précipita presque aussi vivement que l'avare héritière. « Vous avez connu ce petit garçon ?» demanda Sophie en regardant le portrait. « Non, je ne crois pas. Je pense que c'est le portrait de feu mon cousin Cornelius Thorpe. Mais comme je n'avais pas encore découvert cette cachette, je ne connaissais pas cette miniature. « Alors vous ne devez pas y tenir beaucoup, ma chère ? Et vous seriez bien gracieuse en me le donnant ?» s'écria vivement le généreux Jenkins. Sophie se mordit les lèvres, car elle avait tout de suite remarqué que le portrait était entouré de petits brillants. Mais n'osant refuser un objet d'une aussi médiocre valeur à celui qui venait de lui faire un si riche cadeau, elle répondit, en gardant encore l'espoir de conserver la monture du médaillon, « Certes, je vous l'offrirai avec beaucoup de plaisir, mais à côté de vos richesses, les diamants, car ce sont des diamants, et même assez brillants, vous paraîtront bien mesquins et d'une bien mince valeur. C'est le portrait seul que je désire, et si je peux y réussir, je vais détacher l'ivoire du cadre que je vous laisserai. Comme vous voudrez. » répondit Sophie, dont le cœur battait violemment, et qui attendait avec anxiété le résultat des efforts de l'étranger. Mais Mr. Jenkins, voyant qu'il risquait d'abîmer le portrait, se disposait à le mettre dans sa poche avec l'intention de renvoyer plus tard les diamants à Sophie, quand il la vit rougir et pâlir tour à tour en le regardant faire. Aussitôt il replaça le médaillon sur la table et dit « Gardez le portrait, Miss Martin, je reviendrai plus tard avec les outils nécessaires. » Et j'espère que je m'en tirerai alors plus facilement qu'avec des ciseaux ou avec vos magnifiques couteaux d'argent ciselé. Mais puisque vous ne pouvez pas me donner le portrait, continua-t-il assez gaiement, donnez-moi au moins à manger, car j'avoue que je meurs de faim. Oh, monsieur, je serais ravi de vous traiter convenablement, mais tout doit être froid. Cependant, veuillez vous asseoir, je suis à vous dans la minute, répondit Sophie, qui avait craint, en entendant le commencement de la phrase précédente, que Mr. Jenkins ne voulut lui demander un objet d'une valeur quelconque. Sophie revint bientôt, après avoir enfermé la miniature et donné quelques ordres à Mrs. Barnes relativement au goûter de son nouveau convive. Mr. Jenkins avait fort bien apprécié les bonnes choses, et un homme bien élevé ne se plaignait pas de la froideur des mets. Il vanta au contraire les petits pâtés, les champignons, les asperges et surtout la manière élégante dont le repas était servi. « Si vous voulez bien me faire l'honneur de revenir goûter avec moi un autre jour, monsieur, vous pourrez alors être vraiment satisfait et manger tout à point. Désirez-vous de la compote d'abricot? La gelée en est délicieuse, je vous assure. » « J'en accepterai donc, ma chère, mais je trouve que lorsqu'on est riche, il faut au moins manger de bonnes choses. Et vous ?»« Je pense en effet qu'il serait absurde de faire le contraire, » répondit Sophie avec un entraînement inaccoutumé chez elle. « Mais je croyais qu'un de vos oncles et sa famille habitaient ici. Où donc sont-ils tous ?»« Mon Dieu, monsieur, la vérité est que je serais fort ennuyé de les avoir toujours sur les bras. De sorte que je me suis fait arranger cette pièce avec l'intention formelle qu'aucun d'eux n'y mettrait jamais les pieds. »« Alors ils vous déplaisent, pauvre chère demoiselle. Vous savez que le tapage de deux garçons dans une maison est toujours très pénible. »« Et votre cousine, Florence, je crois, quelle sorte de fille est-elle ?»« Ce n'est pas une amie pour moi. » « Et elle ne peut le devenir, » répondit froidement Sophie en se rappelant l'effet que sa cousine avait produit au bal de Hereford. « C'est vraiment malheureux. Mais permettez, il me semble qu'ils ne font pas beaucoup de bruit à eux tous, car on ne les entend pas. »« Oh, monsieur, c'est quelquefois odieux. Pour le moment, ils sont dans un vieux belvédère, que mon autre tuteur, Sir Charles Temple, a permis qu'on leur ouvrit, par égard pour moi et pour me débarrasser d'eux de temps en temps. »« Voulez-vous parler du vieux pavillon dans les bois ?» « Grand Dieu, je me le rappelle parfaitement. »« C'est cela, on le dit très joli, mais je n'y suis jamais entré. »« Maintenant, ma chère, je vais vous quitter. Je reviendrai vous voir bientôt et goûter avec vous. Voulez-vous me laisser allumer ma pipe avant de partir, ma chère Miss Martin Thorpe ?» Sophie s'empressa d'allumer une bougie, tout en pensant déjà à l'éteindre au plus vite pour ne pas trop l'user. D'ailleurs, elle grillait de se retrouver seule pour examiner tout à son aise son merveilleux collier. Après avoir allumé sa pipe avec un soin minutieux, Mr. Jenkins souhaita le bonjour à Sophie en lui réitérant l'assurance de revenir la voir sous peu et il s'éloigna en fumant.